La délégation de l'Association britannique d'études de la politique de Sun Gun, conduite par son président Domot Radesun, qui avait participé aux festivités pour la Journée du Soleil, a visité le 21 courant la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste. Le représentant Choi Il-min et ses collaborateurs ont reçu les hôtes et se sont entretenus avec eux. On y a discuté les problèmes pour faire arrêter et déjouer les exercices de guerre nucléaire de nature agressive et les monnaies anti-nord-coréennes des États-Unis et des bellicistes sud-coréens, et renforcer la solidarité et l'union organisationnelle dans les activités pour la paix et la réunification de la péninsule coréenne.